Le nouveau monde, Éol. Tu veilles là-bas, Efwish, César. Elle va mourir. Et ses amis ne sont même pas là, à côté d'elle, pour l'accompagner dans son dernier voyage. Ils sont tellement fiers, si arrogants, non, pas, Wichiti. Si confiants. Ils n'y arriveront pas, Voltaire. Ils sont comme les humains. Ici, seuls, sans leur technologie, ils ne survivront pas. Peut-être le Bifwish a-t-il raison, César. Peut-être sommes-nous responsables de tout ceci. Non ! Si Ratis est revenu, c'est de leur faute. Les rats ont toujours erré entre Éol et la grande cité des humains. Au contraire, nous les avons toujours fuis. C'est de leur faute si les humains ont pu les enlever aussi facilement et s'en servir comme cobayes. Errer devant eux comme si les humains étaient des dieux. Et maintenant, Ratis veut se venger. Sa curiosité les a perdus, oui. Nous n'avons rien fait, César. Rien fait pour arrêter ça. Nous ne pouvions rien faire, Voltaire. Je ne suis qu'un écureuil. Et nous n'avons pas eu l'aide que nous avions demandé, rappelle-toi. Elle ne survivra pas. La grande guerre. Et elle en danger. Et elle en danger. Oui, c'est dit. Je suis de retour chez moi. Ça y est. Je suis dans les grottes. Je suis de retour chez moi. Mais quel... Dans quel tunnel je suis? Faut que je me retrouve et... La galerie est. Le grand trou. Mais pourquoi tout est si... On avait bouché l'entrée pourtant. Elle est ouverte. Pourquoi elle est ouverte? Pourquoi est-elle ouverte? Oui, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est bien étrange. Persévère. Mais vous êtes... Vous étiez... Ratis vous a... Tué. Oui, nous sommes morts, c'est ça? Oui, et bah Efwish aux trois têtes les a perdues les unes après les autres. Oh oui, c'est la vérité. Mais alors, où suis-je? Ce n'est pas la Galerie Est, n'est-ce pas? Non, juste l'image que tu en retiens. Pas la vraie Galerie Est, non? Vraiment pas, non. Arrêtez de bouger autour de moi comme ça, ça me tourne la tête et comment je suis arrivée ici? Que sont tes derniers souvenirs, Mila? Je tombais d'un arbre, le nouveau monde, j'étais dans le nouveau monde avec Squeak et puis il y a eu les rats et Squeak est descendu de l'arbre avec une chauve-souris et les rats ont attaqué et plus rien. Le cœur. Ils m'ont mordu au cœur. Tu perdras ton cœur, Mila, et seul un autre pourra te le rendre. Nous ne disons jamais les choses au hasard. Je suis morte. Non, pas encore, du moins. Les rats sont de retour. Et ils vont attaquer, Éol. Une grande bataille. Une grande guerre va changer le monde des Bifwish. Le laboratoire, en pleine forêt. Ratis tournait autour de moi sur ses quatre pattes, ruminant ses pensées. Allait-il me tuer? Me torturer pour tout connaître de notre technologie? Je restais debout, tétanisé. La lumière de la lune passait par la grande fenêtre de la salle. Une grande fenêtre, une fenêtre gigantesque pour moi, oui. Une simple lucarne pour les êtres humains. Les tables, les chaises, les instruments scientifiques étaient grossis mille fois. Ici, je n'étais rien qu'une toute petite chose. Tu vas me tuer cette fois, Ratis? Tu vas me faire parler, me torturer pour tout savoir de mon monde, de ce que tu n'as pas pu avoir, notre technologie. C'est un programme assez excitant que tu me proposes. Je ne propose pas. J'essaye d'anticiper. Où sont tes amis? Elle était restée à Éol. Elle combattait la maladie des rats allongée sur un lit en proie à la fièvre. Vous étiez trois à piéger les rats, à nous piéger dans votre putain de galerie, non? Vous étiez trois. Tu connais mon nom. Je ne connais pas le tien. Squeak. Squeak? Où sont tes amis, Squeak? Ils sont morts? Ils ont tous survécu, n'est-ce pas? Nous avons bien sauvé Wish City! Oui, pour le moment. Mais Eole est en danger. Mais pourquoi? Parce que Ratis veut Squeak, et que Squeak est à Eole, et parce qu'à Eole se trouve une autre porte vers le monde du dessous. Ils ne sont pas morts. Ils le sauront bientôt. Tu es allé à Eole, n'est-ce pas? Oui. César va bien? Et Voltaire? Et Ziggy, ce bon vieux Brutus fraye toujours dans sa rivière et veut pas assister aux séances du conseil? Il les connaissait. Il connaissait les sages d'Eole. Était-il surpris de revoir des Baefwish? Quoi? De revoir des Baefwish? Ouais. De revoir. Ah. Ils ne t'ont pas dit pour la porte? La porte? Quelle porte? Oh, je m'en veux. Je ne pensais pas que c'était à moi de t'annoncer à quel point tout ce que tu as pu faire jusqu'ici n'aura servi à rien, Squeak. Que ce n'est juste qu'un contretemps. Quelle porte, Ratis? Une autre porte? Il y a un autre grand trou? Il y en a des dizaines, des centaines de chemins qui mènent du monde des Baefwish à celui de la forêt. Il en a toujours été ainsi. Seulement, nous, les Baefwish, ne voulions pas d'un nouveau monde. En ignorant qu'il existe des choses plus grandes, nous gardons le sentiment d'être supérieurs. Tout ça pour la fierté. Juste, juste pour la fierté. Quel gâchis. Mon père le savait, n'est-ce pas? Oui. Laisse-moi te raconter une histoire, Mila, puisque c'est pour cela que tu es ici. Une vieille histoire. Baefwish.